On ne vous a pas tout dit, l'émission qui fait débat, quand les acteurs locaux se mobilisent et prennent la parole sur notre présent, notre futur. On ne vous a pas tout dit, les troisièmes mercredis du mois, en direct et en public, de janvier à mai. Le troisième mercredi du mois, de 20h30 à 22h30. On ne vous a pas tout dit. Proposé par la cellule environnement de la ville de Moucron, le centre culturel moucronois, produit et réalisé par RQC. RQC, une radio libre, sans publicité, sans parti, mais pas sans parti pris. Bonsoir Eric, ravi de vous retrouver sur RQC 95 FM. On ne vous a pas tout dit. Voilà le titre des 5 émissions débat que l'on vous propose de suivre chaque mois sur RQC sur les questions citoyennes. Bonsoir Séverine, on ne vous a pas tout dit. Une émission proposée par le Centre culturel moucronois, RQC, la ville de Moucron. Après avoir abordé l'économie et les aspects sociaux, la soirée sera tout spécialement dédiée à l'environnement. C'est en direct et en public dans l'espace André Souns de RQC. Nous sommes ensemble, pendant les 2 heures à venir. Merci d'être tous là. Mais de débat en sera-t-il vraiment question, Eric, puisqu'à part Donald Trump, qui peut encore se dire contre la sauvegarde de notre environnement? Mais qu'en est-il dans les faits, sur le terrain, avec nos invités? Nous parlerons déchets, recyclage, agriculture bio, circuits courts, énergie et mobilité. Nous avons posé des questions à l'homme de la rue à propos de toutes ces thématiques, des témoignages qui seront diffusés en direct à l'adresse des invités. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec le premier volet de l'émission consacré aux déchets et au recyclage. Pour en parler, nous avons invité dans les studios de RQC Christophe Deneuve de la cellule environnement, David Squire de la ressourcerie et Daphné Mersman des femmes prévoyantes socialistes, responsables d'un jardin partagé. En Belgique, les déchets municipaux, c'est-à-dire les déchets générés par les ménages et les entreprises belges, représentent quelque 426 kilos par an par habitant. À l'horizon 2030, l'Union européenne envisage de porter le taux de recyclage des déchets municipaux à 70%. Pour l'heure, la Belgique se maintient à 53% et se classe ainsi dans le top 3 européen en matière de recyclage des déchets. Mais les chiffres sont encore hallucinants. En 2014, l'Union européenne a généré plus de 2,5 milliards de tonnes de déchets. L'Europe entend aussi réduire évidemment la mise en décharge de déchets. La Belgique fait une fois de plus partie des bons élèves, alors que nos voisins français en sont encore à 26%. La Belgique, quant à elle, ne met plus qu'1% de ses déchets en décharge. Moucron est la dernière commune wallonne à maintenir une déchetterie pour ses habitants. Les Moucronois l'utilisent-ils fréquemment? Sont-ils de bons élèves en matière de tri, de recyclage, de compostage? Nous leur avons posé la question. Quasiment 8 fois, puisque je viens 2 fois par semaine. Grande famille, hein. Un peu. Les sacs bleus, là, les boîtes, tout ce qui est boîte et tout ça, le maximum. Mais sinon, après, le reste, non. Parce que bon, avec les enfants en bas âge et tout ça. Et alors, c'est dur, parce que quand même à 10. Donc, je vais dire, réduire les déchets quand on a une grande famille comme ça, c'est un peu difficile, ouais. Tout ce qui est dans les sacs, déchets végétaux, ce qu'on peut mettre dedans, quoi. Parce que je prends pas les sacs de la ville, ça coûte trop cher. Donc du coup, avec le véhicule, je préfère attendre qu'il y en ait plusieurs et après, je vais tout déposer ici. Vous pratiquez le tri sélectif? Pas toujours. Je vous mens pas parce que je suis en appartement et on n'a pas les dispositions nécessaires avec le tri sélectif. Donc c'est pas évident, quoi. Par exemple, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des gens qui ne trient pas et qui jettent ici leur papier, leur carton, alors qu'il y a là des endroits qui sont faits pour. Chaque semaine, je remarque, regardez encore ici, des trucs plastiques, des bouteilles, je vois du verre qui traîne parfois. Ça, c'est dommage, quoi, parce qu'il y a... Allez, c'est facile de s'arrêter là, avant. La poubelle dédiée aux déchets verts est vide tout le temps, puisqu'on recycle nous-mêmes. Ouais, on recycle et on réfléchit à ça aussi. Ouais. C'est une démarche globale, en fait. Alors, je tente d'acheter, parce qu'on est toujours quand même tributaire du supermarché, d'acheter des produits où le packaging est le plus réduit possible. Et puis, après, on recycle. On a différentes poubelles, on recycle au maximum. Et puis, ce qui peut être récupéré, est récupéré. Christophe Deneuve est avec nous ce soir. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Vous êtes responsable donc de la cellule environnement de la ville de Moucron. Tout à l'heure, on évoquait donc les chiffres européens, belges. Pourriez-vous nous donner les tonnages en déchets émis par les habitants de la ville de Moucron? Alors, à l'heure actuelle, on navigue à peu près à 220 kilos de déchets produits par an par habitant. Mm-hmm. Ça concerne les déchets ménagers, donc ce qu'on retrouve dans la poubelle, dans le sac noir. sort de cette fraction-là. Donc tout ce qui est déchets triés, recyclés, qui vont donc dans les recyparcs, à la ressourcerie, dans les sacs bleus ou lors de la collecte du papier carton. Remarquez-vous donc au fil des années une diminution, une hausse justement de ce tonnage ? Alors à peu près depuis 2005, on a une baisse régulière des chiffres. Notre objectif, c'est de se rapprocher au maximum des 200 kilos. Donc il reste encore 20 kilos à récupérer, sachant qu'on partait de 270 kilos de déchets produits par an par habitant. Donc la diminution est quand même substantielle. Mais c'est un petit peu comme au marathon. Les derniers 100 mètres ou le dernier kilomètre, c'est le plus dur. Et donc il y a encore beaucoup de travail en la matière. La collecte hebdomadaire reste la principale méthode d'évacuation des déchets ménagers, 53% en 2015, mais elle est suivie de près et de trop près peut-être, par la déchetterie qui reçoit 38% des déchets. Moucron est la dernière commune à proposer, je crois, à ses habitants une déchetterie. Cette déchetterie sera certainement à terme vouée à disparaître, je présume. Alors là, je ne peux pas m'avancer sur ce genre de questions-là, parce qu'il y a aussi des choix politiques qui doivent se faire en la matière. On se rend compte que ça reste toujours un mal nécessaire, que quand on compare nos chiffres par rapport à la métropole lilloise, Roubaix, Tourcoing, etc., on reste plus ou moins dans les mêmes mesures qu'eux. La déchetterie, c'est quand même un choix politique qui a été fait en 1993 pour permettre aux gens qui étaient dans le besoin ou qui avaient des soucis de pouvoir amener leurs déchets sans devoir acheter des sacs poubelles de la ville qui, comme on le dit dans le sondage, sont peut-être un peu chers. Mais 1993, c'était une autre époque. C'était en effet une autre époque. On évolue et donc on sent, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il y a une diminution. On peut encore s'attaquer à la question de la déchetterie. Maintenant, on a aussi constaté ici, depuis 2-3 semaines, par exemple en Flandre, où on propose aux gens de ramener leurs déchets ménagers dans les parcs à conteneurs, mais uniquement dans des sacs de la ville, enfin, ou des villes flamandes. Et donc, oui, chaque commune développe ce genre de solutions ou de solutions pour faciliter la vie de ses citoyens. Mais il y a de toute façon encore du travail, ça c'est clair. 38%, c'est assez énorme. Que faire pour réduire ce pourcentage ? Il y a différentes solutions. Maintenant, ce n'est pas à moi de me prononcer là-dessus, mais de toute façon, renforcer aussi les contrôles, parce qu'on se rend compte qu'à la déchetterie, parfois, il y a ce qu'on appelle du déchet parasite, c'est-à-dire des gens qui viennent de l'extérieur de l'entité qui ramènent leurs déchets. Ce n'est pas une majorité. On estime que ça fait 3% à peu près des gens qui viennent là. Donc, renforcer les contrôles. Et alors après, il y a d'autres mesures plus structurelles à prendre, mais là, ce n'est pas à moi de me prononcer là-dessus. D'accord. Donc, malgré cette déchetterie, la ville de Moucron doit encore inlassablement lutter contre le phénomène des dépôts sauvages. En 2016, les déchets sauvages représentaient quelque 1160 tonnes de déchets. Écoutez, citons entre autres le parking de la rue de l'Échauffouré, ancien parking douanier du Risquantou, un véritable dépotoir à ciel ouvert, Christophe. Oui, tout à fait. On est intervenu ici récemment donc, sur ce site où on a collecté une très grosse quantité de déchets. On a ce qu'on appelle des points noirs, mais c'est dans toutes les communes. À l'échelle wallonne, maintenant, il y a un plan qui se dessine pour justement identifier ces points noirs et travailler de manière ciblée sur ces endroits. Et donc le parking douanier en faisait partie. On a travaillé là-dessus. Maintenant, on met en vente le parking comme ça. Ça veut dire qu'on se débarrasse du problème. Mais en tout cas, on trouve une solution définitive pour ce problème-là. Et on estime qu'on a grosso modo une vingtaine d'endroits à Moucron qui posent problème, où on retrouve régulièrement des déchets et sur lesquels on doit travailler, surveiller, contrôler, être plus présent et puis fouiller les sacs, trouver les responsables de ces incivilités et les punir de manière efficace. Mais justement, quelles sont les mesures que vous pouvez prendre donc, à l'encontre de ces incivilités ? Mais les mesures existent depuis longtemps. On a ce qu'on appelle les agents constatateurs et donc ces gens sont payés par la ville pour constater sur le terrain les incivilités, trouver les fautifs et prévoir les sanctions. Et donc on a des amendes qui vont de 50 à 350 euros en moyenne. Et quand il s'agit d'un dépôt sauvage, on a aussi une taxe qui permet de recouvrir les frais inhérents justement à l'intervention de ce personnel, à la gestion des déchets, qui, elles, peuvent partir aussi de 50 euros jusqu'à 3 petits points en fonction de la quantité et de la qualité, entre guillemets, du déchet. Et donc ça peut aller très haut. À part ces mauvais exemples, de manière générale, est-ce qu'on peut dire que les Moucronois sont de bons élèves en matière de tri ? En matière de tri, oui, en fait, on fait, nous, un sondage tous les 2 ans à travers la population pour savoir un petit peu l'évolution des mœurs en matière de respect de l'environnement, du tri des déchets et de la gestion des déchets. Et on se rend compte que, oui, les gens sont clairement conscients des enjeux du tri, font des efforts pour prévenir les déchets aussi, essayent d'acheter en vrac, vont à la ressourcerie pour acheter des meubles de seconde main, etc., etc. Et donc, il y a un tas de choses qui sont possibles. On a eu les célèbres poules de Moucron. Et donc, oui, c'est, voilà. Qui a fait le tour du monde. Oui, voilà, le tour du monde. Oui, oui, oui. Voilà, voilà, voilà. Et donc, ce sont des choses qui fonctionnent bien. Maintenant, voilà, il y a encore toujours du travail à faire sur cette thématique. Mmh. Alors, les parcs à conteneurs, vous avez des chiffres de fréquentation ou bien ça, c'est plutôt... En fait, C'est plutôt l'intercommunal qui gère ce genre de choses-là. Mais quand on compare, par exemple, avec la fréquentation de la déchetterie, on est grosso modo en moyenne, pour Moucron 1, donc le plus gros parc à conteneurs, à près de 600 véhicules par jour qui débarquent là et qui trient aussi leurs déchets. D'accord. La ville de Moucron vit à son agenda 21 local, s'inscrit activement donc dans une démarche de prévention des déchets. Quelles sont les différentes, les différentes actions qui sont actions, mises en place. Merci, voilà. Christophe, non, pas de problème, de prévention pas de problème. Des déchets. Ouais. Mais donc, en fait, par législature, puisqu'on travaille par législature, on a grosso modo entre 30 et 40 actions qui sont prévues. Mmh. Alors, on en a jusque minuit si je dois toutes les citer et les expliquer. Oui, c'est pas l'objectif. Pas, non, c'est pas l'objectif. Mais donc, il y a les poules. On a travaillé avec l'Union des classes moyennes sur l'ORECA. Mmh. On avait fait des séances de sensibilisation des gens qui travaillent dans l'ORECA, notamment sur l'évitement du gaspillage alimentaire. Le compostage, on travaille aussi avec la ressourcerie et puis chaque année on a une semaine récup où on organise des ateliers, on a le panier fermier, on a le marché du terroir, etc., etc. Et donc il y a moult possibilités pour les gens de participer à des actions en faveur de l'environnement et de la non-production des déchets. Christophe qui nous fait un menu par le détail. Mais avant ça, à Moucron on décrit souvent le prix élevé des taxes en matière de déchets, on va parler un peu d'argent. Alors, quel est le sentiment des Moucronois? La trouvent-ils justifiée ou non? Nous leur avons tendu le micro. Ben, la taxe poubelle est fort, fort chère. Hein. Donc, on paie ce qu'on doit, quoi, mais puis on vient quand même aux poubelles. Quand on paie nos poubelles, avant, on avait quand même un passage pour le fer, pour tout, quoi. Ben, maintenant, on n'a plus rien. Ça, je trouve pas normal. Je pense qu'elle est justifiée quand même, parce que quand on voit dans les rues après, avec le vent, tout ce qu'il faut nettoyer, je pense que oui, oui, il faut quand même payer un peu. Maintenant, on n'est peut-être pas toujours d'accord sur la somme exacte, parce que moi, je suis en CPAS, en gestion budgétaire, donc c'est pas évident. Pour moi, c'est justifié, parce que quand on voit tous les déchets sauvages qu'il y a déjà, donc ça contribue au nettoyage de la commune. Ah, je vais être honnête, pour moi personnellement rien, c'est... surtout que je veux dire quand on est une grande famille on est plus imposé qu'une plus petite famille, et enfin pour moi personnellement je sais pas si vraiment ça sert à quelque chose, mais bon, après c'est vrai qu'il faut payer tout ce qu'il faut évacuer, donc c'est compréhensif aussi, à moitié justifié, ouais, on va dire ça comme ça. Je pense que c'est pour aussi pour l'environnement, l'écologie, pour traiter les détritus. Quelque part, il faut bien payer. C'est clair que c'est de plus en plus cher, mais l'avenir, comme on dit, du monde, parfois, c'est un prix, quoi. Alors, Christophe, qu'en est-il de cette taxe? Est-elle vraiment plus chère qu'ailleurs? Elle n'est pas plus chère qu'ailleurs. Il faut savoir qu'on est tenu de rendre des comptes à la région wallonne en matière de taxes, et notamment de taxes sur les déchets, qu'on doit respecter ce qu'on appelle un coût vérité, c'est-à-dire que ce qu'on touche comme argent via cette taxe doit être utilisé à 100% sur la gestion des déchets. Et donc cette taxe permet de payer les balayeurs, et à Moucron, il y en a quand même quelques-uns. Le travail du service propreté, c'est à peu près 58 personnes, donc on crée aussi de l'emploi en la matière. Le fait que les gens puissent bénéficier d'une collecte en porte-à-porte, ça aussi, ça se paye. C'est à peu près 1 million d'euros qui sortent rien que pour ça par an. Le fonctionnement des parcs à conteneurs, le traitement des déchets, donc le fonctionnement de l'incinérateur de Tumed, etc., etc. Et donc tout ça a un coût. Il faut bien trouver l'argent quelque part. Malheureusement, c'est dans les poches du contribuable qu'on les trouve. Mais on rend des comptes et cet argent est, en tout cas, à mon sens, utilisé à bon escient et de manière optimale, c'est-à-dire à 100% sur ce pourquoi il est prévu. Dans la pratique, il y a des gens qui... si pas réclament, en tout cas, voilà, attendent quelque chose parce que justement, ils trouvent que, compte tenu de leur situation familiale ou ce genre de choses, ben, c'est pas le plus juste, quoi. Il faut savoir qu'à Moucron, il y a un système qui est prévu, donc d'aide sociale, entre guillemets, en lien avec cette taxe, c'est-à-dire que si on est dans le besoin, qu'on dépend, comme on le disait tout à l'heure, du CPS, qu'on est une famille nombreuse, on a une diminution sur la taxe. Quand on paye sa taxe, on reçoit aussi des sacs poubelles gratuits. Moucron est une des rares communes où, quand on reçoit des sacs poubelles gratuits, on reçoit aussi des sacs bleus. Donc on essaye d'inciter aussi au tri des déchets. Maintenant, tout n'est pas parfait. Le système le plus juste, c'est ce qu'on appelle le pollueur-payeur, c'est-à-dire qu'on a des conteneurs à puces, et quand le camion vient vider votre conteneur, il pèse ce que vous avez vidé, et vous recevez une facture au prorata de ce que vous avez jeté. Maintenant, à Moucron, la configuration des rues, la taille des maisons, les entrées de maisons, etc., ça pose pas mal de problèmes pour pouvoir mettre ça en place, et l'investissement est relativement lourd. Et donc, si on devait supporter un tel investissement, je ne suis pas sûr que la taxe resterait en l'état à l'heure actuelle. Il y aurait vraiment une vraie charge supplémentaire sur la taxe. Mais il y aurait, en tout cas, dans un premier temps, une charge supplémentaire sur la taxe, puisqu'il faut investir, il faut acheter tous ces conteneurs, il faut avoir de nouveaux camions avec un système de pesée, il faut mettre en place un système administratif qui gère la facturation. Et donc, tout ça a un coût. Et même si ce système est mis en place, la taxe doit rester en vigueur puisque, par ailleurs, les balayeurs, le nettoyage, la vidange des poubelles de rue, etc., doit se maintenir. Et donc, il y aura quand même toujours une taxe, peut-être moindre, mais, et on paiera une facture mensuelle, un petit peu comme pour son GSM ou pour sa télévision, pour vider ses déchets. Donc, voilà, c'est l'yin et l'yang. Après, il y a des choix à faire et ça se fait au niveau politique. Bien. Avant de poursuivre, on va déjà marquer une pause, mais on va se tourner vers le public, parce que si vous écoutez à la radio, sachez que nous sommes en direct et en public, et donc on va... Faites du bruit. Alors, pour ceux qui écoutent, on en a reconnu un, c'est un fidèle. Oui, on vient de le réveiller, en fait. Il y a un micro qui circule, donc n'hésitez pas, si vous avez une première question à poser à Christophe, ensuite on passera à une respiration musicale, et puis on viendra pour la cellule environnement, évidemment. Sinon, on enchaîne évidemment avec une belle chanson de circonstance. C'est Billy the Kid, Serial Pollueur. Des multinationales aux pratiques ordurières. Multinationales. Plantent leurs sous des principes humanitaires. Ils disent: faites-nous confiance, tout le monde pourra manger. Mais point de précise. Du moins ceux d'entre vous qui n'auront pas peur de muter. Comment ça muter? Je suis humanoïde du troisième millénaire. Toxique dans des containers. Substance toxique. Vous avez dit substance toxique. Je crains qu'elle ne soit désormais dans nos frigidaires. Ouh, ouh, ouh. Moi j'ai une petite proposition à faire. Au lieu de consommer leur production, pourquoi ne pas plutôt becter leur patron? Abicorons les patrons, je suis humanoïde du troisième millénaire, aimé à la dioxine. dévastateur des militaires. Dévastateur, dévastateur. Ce sont les mêmes qui nous interdisent les tarpés, prétextant que c'est dangereux pour notre santé. Enculade, oh, ils sont tout le temps comme ça, les gâteaux. Je suis l'humanoïde du troisième millénaire, élevé à la dioxine et aux radiations nucléaires. Troisième émission de On ne vous a pas tout dit. Le jardin ouvrier géré par les femmes prévoyantes socialistes vient de fêter ses 10 ans. Daphné Mersman est avec nous. Elle est la responsable du jardin potager El Gardin du Val. Je l'ai bien prononcé, Daphné ? C'est ça. Ouais, jusqu'ici, ça va. Alors, comment est né ce jardin potager, ce jardin ouvrier, pardon, dont le premier coup de bêche a été donné il y a plus de 10 ans maintenant ? Oh, c'est une longue histoire, ça, d'il y a 10 ans déjà. Oui. Vous étiez déjà présente à l'époque ? J'étais déjà présente. Ah, voilà. Ouais. Je suis à l'initiation du projet et D'accord. Je l'ai suivi jusqu'à présent. Donc, c'était une grosse fête, pour moi aussi d'ailleurs. Mais on avait ce terrain qui était en friche au bout du parc, au parc des loisirs. Et pas mal de citoyens sont venus nous voir en disant « mais c'est bête de le laisser comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Donc on les a regroupés, on a travaillé avec eux, on a pensé à un terrain de pétanque, à faire un étang de pêche. Et puis tout d'un coup, il y en a un qui a sorti, tiens, ce serait chouette, des potagers. Mm-hmm. Ah, ça, c'est un projet qui tient la route et qui peut être sympa. Et donc on est parti sur les potagers. D'accord. Et qui peut donc profiter de ce jardin ? Les Moucronois en général. Oui. Maintenant, c'est un terrain qui appartient à la Mutualité Solidaris et donc qui, en préférence, les affiliés quand même. D'accord. Donc en 2010, la cellule environnement lance le réseau de potagers urbains biologiques auquel vous vous associez, évidemment. Oui, c'est idiot de rester dans son coin. Le réseau est sympa, ça permet d'échanger et de coopérer sur cette thématique-là, en tout cas. Et au fil des années, vous avez constaté un intérêt grandissant pour ce type d'initiative de la part des citoyens moucronois ? Un retour aux sources, quelque part, un retour à la terre. Complètement. Si on regarde le nombre de jardins qu'il y a maintenant sur Moucron, à l'initiative de la cellule environnement, on est parti, on était 2, 3, et je pense qu'on est 15 maintenant, c'est ça ? 20. Christophe me dit 20. Donc voilà, en 10 ans, en 10 ans, on est passé à 20. Donc le réseau a vraiment tout son sens, clairement. Donc il y a évidemment le jardin, le potager, mais c'est aussi et surtout un lieu de rencontre, d'échange. Beaucoup de rencontres, d'échanges, pas mal de convivialité, enfin, à la moucronoise, hein, clairement. Et le projet qui évolue d'année en année, en fonction des nouveaux arrivants, des partants et des thématiques. On a depuis peu un poulailler collectif, par exemple. D'accord. Et ce sont des jeunes ou des moins jeunes qui s'adressent à vous, enfin, où il y a une... En majorité, on a quand même des pensionnés. Donc chez nous, on a 13 parcelles et sur 13 parcelles, il y a 1, 2, 3, il y a 4 personnes qui travaillent. Donc le reste, ce sont des pensionnés. C'est plus facile pour cultiver, d'avoir du temps. Donc pour faire connaître ce jardin, vous organisiez en fait un style de porte ouverte que vous appeliez goûter au jardin. C'était quoi exactement ? C'est un projet à l'initiative aussi de la cellule environnement. Oui. Ils sont partout. Ils sont partout, c'est infernal. Envahissant, non ? Mais bon, ils sont la cellule environnement, c'est quand même un grand soutien pour les jardins partagés de Moucron, et donc heureusement qu'ils sont là aussi. Je comprends pourquoi Christophe voulait vous inviter. Non, ouais, je rigole. Mais en fait, il m'a payé. Mais Oui, voilà. Ça m'a coûté cher. Bravo. Donc, goûter au jardin, c'était il y a... Ouh là là. On était jeunes. Je ne sais on plus. Était jeunes, hein. C'était il y a déjà une paire d'années. 7 ans. Ouais. Donc c'est 7 ans, c'est fin août. Et c'est tous les jardins partagés de Moucron qui ouvrent leurs portes et qui accueillent les Moucronois au sein de leur jardin, de manière à pouvoir expliquer ce qu'ils font, ce qu'ils cultivent. Et il y a énormément de partage entre les jardiniers et les Moucronois qui reviennent à la recherche. Comme tu l'as dit tout à l'heure, le retour aux sources. Quoi. D'accord. Donc tu travailles donc auprès des... On se tutoie maintenant. Oui, oui. Des femmes prévoyantes socialistes. Et tu travailles aussi, en fait, tu m'as dit tout à l'heure, contre le gaspillage alimentaire. Quelles sont les différentes actions que tu mènes en ce sens? Ah non. J'ai mal pas le droit tout à l'heure. Si, si, si. Ah, oui. Mais j'étais occupée de créer la phrase, en fait, dans ma tête. Le jardin du Val, c'est un projet de jardin, clairement. Mais il n'y a pas que le fait de cultiver. Il y a qu'est-ce qu'on fait avec nos aliments. Parce que quand c'est le moment des récoltes de pommes de terre, on a 50 ou 100 kilos de pommes de terre. Mais qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces pommes de terre? Donc c'est un, comment je les conserve. Donc il y a les manières traditionnelles. Comment je les prépare et comment je conserve mes préparations, que ça soit de pommes de terre ou de poireaux ou de carottes. Il y a tout ça aussi. L'objectif étant de limiter les déchets au maximum, puisqu'on ne va pas en magasin chercher ses carottes et ses poireaux, etc. On les cultive directement, mais il y a comment je les conserve pour éviter de les jeter et de les gaspiller. Et donc, suite à ça, on a commencé à faire des ateliers anti-gaspillage. Au départ, ils étaient réservés aux jardiniers, et puis maintenant, ils sont ouverts à d'autres publics. On travaille à l'heure actuelle beaucoup avec des aides familiales qui sont à domicile. Et donc, on leur explique, dans la carotte, la fane, elle se mange aussi. Et donc, comment est-ce qu'on peut préparer une fane de carotte? On en fait de la soupe, ça tout le monde connaît, mais on peut en faire des épices, on peut en faire plein de choses aussi. C'est ça, des petits gestes qui pourraient réduire, évidemment, tout à fait. La production de déchets. Merci Daphné d'avoir été des nôtres. Un appétit tout ça. Hein. Du coup, un peu d'autopromo et puis on va rejoindre David qui va nous parler de la ressourcerie. C'est le dimanche 2 avril que se déroulera à partir de 11h dans la salle bleue du Centre Expo, rue de Menin 475 à Moucron, l'apéritif repas annuel de RQC Radio Kichifel. Au menu, apéritif offert, cochon à la broche, pommes de terre rissolées, 10 sortes de légumes, pain, sauce. Le prix est fixé à 17€ pour les adultes et 10€ pour les enfants de moins de 12 ans. À l'achat de tickets, un café gourmand vous sera proposé pour accompagner votre repas. Une tombola est organisée et le premier prix est un smartphone Galaxy Gold. Attention, ce repas se fait uniquement sur réservation, soit au local de la radio, 2 A rue Roger Salengros, anciennement place de l'Ours, face au centre Marius Taquet. Ou par téléphone au 0400 79 09 70 52. Et depuis la France, 0032 479 09 70 52. Ou au 056 34 07 83. Depuis la France, 0032 56 34 07 83. Nous vous espérons nombreux, comme chaque année, à venir soutenir la dernière radio libre de la région de Moucron. Au Centre culturel de Moucron, il y aura les païens demain, vendredi, lieutenant, et samedi, soirée. Donc, il y a de quoi faire. Recycler davantage et consommer de manière plus responsable, deux philosophies de vie qui devraient conduire en toute logique à une diminution des volumes de déchets. C'est dans cet esprit-là que la ressourcerie a ouvert ses portes à Moucron et ailleurs. Les ressourceries proposent depuis plus de 10 ans un service de collecte et de vente de biens réutilisables. Nous avons interpellé les clients de la ressourcerie sur leur démarche qu'ils considèrent pour la plupart comme citoyenne. Les livres sont beaucoup moins chers que dans les magasins de livres. C'est impayable pour certaines personnes, donc je trouve qu'on a son petit bonheur tous les jours et c'est une découverte. Et ça nous, disons que pour le moral, ça fait du bien. Et puis il y a des choses très intéressantes et au bas prix que les gens ne peuvent pas s'acheter. Ça m'insupporte de voir jeter des choses qui peuvent encore servir. Puis on peut faire vraiment des affaires. Si c'est pas pour nous, c'est pour les enfants, c'est pour les parents, les voisins, pour les c'est pour des gens qui sont dans le besoin. Puis effectivement, j'aime bien aussi voir les anciennes choses, voir les livres, les objets, les meubles. Je trouve que c'est une très bonne idée de recycler l'ancien. Donc, pour aider les jeunes ou les gens qui ont peu d'argent à s'équiper. Alors je sais pas si on peut appeler ça une démarche citoyenne, parce que bon, c'est une démarche naturelle. Pour le recyclage, la gestion des déchets, enfin c'est primordial pour le monde, quoi. Donc je crois qu'à la conception déjà du produit, il faudrait prévoir son après. Au lieu de jeter, je trouve ça génial qu'on puisse apporter des objets, les proposer à la vente à un prix vraiment dérisoire. Moi, je viens voir si j'ai des affaires à faire. Souvent, j'apporte moi-même aussi des objets. Donc, j'apporte, j'achète, enfin, je fais circuler les objets. J'apporte ici, justement, pour donner une seconde vie. En faisant ça, on entretient une chaîne de solidarité, justement. Parce que, par principe, depuis plusieurs années, je n'achète pas du neuf. C'est un train de vie qu'on a pris. Enfin, on essaye de recycler un maximum. On donne beaucoup de choses à la ressourcerie. Et on vient aussi se servir, du coup, à la ressourcerie. Supermarché, j'ai envie de dire qu'on ne connaît pas. Et on n'a plus trop envie d'y mettre les pieds. Parce qu'à mon sens, beaucoup trop de gaspillage et de produits inutiles, en fait. Parce que notre terre devient vraiment une poubelle. Dans tous les pays, il n'y a pas que par ici, mais ça devient vraiment une décharge publique, notre terre, et il faudrait peut-être songer rapidement, si on veut que nos enfants aient un avenir un petit peu plus clément, à recycler tout ce qu'on jette. David, vous êtes l'un des responsables de la ressourcerie à Moucron. Alors, première question, comment fonctionnez-vous pour accueillir un peu, on entend qu'il y a quand même pas mal de passages chez vous, comment fonctionnez-vous l'accueil, comment se passe-t-il? Tout d'abord, je voudrais dire qu'on a des super clients tous les jours. Je vois. Quand je me promène dans le magasin et que je vois les personnes qui passent, c'est vraiment agréable. On est déjà d'une certaine manière devant un public averti qui réfléchit déjà un peu plus loin. Alors c'est gai de rencontrer des gens comme ça. Et alors, au niveau de la clientèle, je pense qu'au niveau de la seconde main, et ça a toujours été la base de travail, c'est que la seconde main, il faut encore faire plus d'efforts à la limite que pour le neuf, pour faire la présentation et enlever l'idée de réutilisation seconde main de la poussière et de dire, oui, voilà, il y a moyen de trouver des super chouettes trucs qu'on trouve nulle part d'autre. On se rend dans votre magasin, finalement, avec une certaine philosophie. Alors, vous aussi, vous adoptez une philosophie pour accueillir les clients? C'est un partage. C'est un partage. Encore une fois, le meilleur moment de la journée, c'est quand je prends une pause et que je vais me promener dans le magasin et que je regarde un peu à gauche et à droite et tout par hasard, sur le chemin, quelqu'un qui me parle ou quoi et que parce qu'en fait, on n'est qu'une petite partie de plein d'actions, d'activités populaires, civiles, je ne sais pas... Citoyennes, qui se mettent en route. Et pour ça, la crise a un peu de bon, c'est qu'on réfléchit. Et alors, des gens se mettent ensemble et font des choses. Et c'est là où ça commence. Il y a une démarche plus collective des clients, de vous en tant que finalement vendeur d'objets, lié justement à ce déclin économique ou en tout cas à cette crise. Il y a un autre projet derrière que simplement venir acheter. Mais c'est ça le bonheur de travailler à la ressourcerie, hein, parce qu'on travaille en même temps sur l'environnement, donc on fait un bon geste par rapport à ça. Mais alors, on a aussi une réelle action sociale. Et on fait ça par la réduction par rapport à des gens qui sont dans le besoin ou des dons gratuits pour des cas de sinistres. Mais je pense qu'on donne un peu de légèreté à des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens ou financièrement, simplement. Et on est simplement une plateforme de dons et de choses qui viennent chez nous, qui repartent de chez nous, et où tout le monde s'y retrouve. Alors, et que faites-vous des biens qui ne trouvent pas acquéreur? Parce que vous êtes quand même bien achalandés, mais il y a peut-être des choses qui ne partent jamais. Oui. Vous en faites quoi? Dans le mobilier, tout part. Tout ce qui rentre dans le magasin part, et s'il faut, à l'euro ou 10 cents... pour que ça soit réutilisé. Maintenant, au niveau du textile, c'est un peu plus délicat parce que là, il faut vraiment une rotation. Quand les gens rentrent, c'est important qu'il y ait chaque fois du neuf aussi. Vous refusez des textiles aussi ? Parfois. Oui, la plupart du temps, c'est dans un sac en plastique, donc on ne commence pas à trier. C'est malheureux pour les gens qui trient quand ils tombent sur un sac qui est à moitié pourri ou bien il y a des restes de nourriture dedans ou quoi. C'est juste pour leur travail que c'est vraiment très embêtant. Mais sinon, par exemple, le textile, là, après un mois, quand il n'a pas été revendu, il part chez Terre, donc Terre qui a les bulles de textile. Et pour le reste, on a des filières d'évacuation parce que la ressourcerie est responsable de ces déchets. Donc on ne peut pas aller sur un parc à conteneurs pour dire « bon voilà, on va déposer ce qu'on n'a pas su réutiliser ». Non, on doit nous-mêmes évacuer nos déchets. Et c'est là où je voudrais faire un appel à la population, si c'est possible, de dire « s'il vous plaît, essayez de donner des biens réutilisables ». On s'en fout de la mode, que ça soit complètement démodé et difficile à réutiliser. Tant que c'est réutilisable, ça nous intéresse. Mais pas des choses qui sont cassées. Parce que ça nous coûte 150 euros la tonne s'il faut mettre un prix dessus. Vous avez déjà constaté des abus en la matière, alors. Oui, mais les gens sont de plus en plus respectueux. Donc au début, quand on s'implante quelque part, il y a un questionnement. Des gens, ils ne savent pas très bien qu'est-ce qu'on fait. Et alors on reçoit des choses qui sont pas vraiment réutilisables. Mais maintenant, je remarque que quasiment tout, et même les vêtements qui rentrent, ils sont bien pliés, lavés, repassés. Il y a quand même un respect. Ouais. Et la ressourcerie, vous êtes aussi créateur d'emplois, finalement ? Ben oui, hein. Oui. Oh, c'est un chouette boulot. On entend. Ouais, vous êtes un passionné, en tout cas. Et oui, ben oui, c'est le but, hein, de créer du travail. Et ça aussi, c'est gai de voir les gens s'épanouir quand ils arrivent, qu'ils sont un peu dans un trou, et après six mois de voir quelqu'un qui s'ouvre complètement et qu'on dit waouh, c'est bien, ils sont repartis. Alors, il y a le site de Moucron, il y a un site à Lessine aussi, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'était le premier. Et vous êtes 70 travailleurs. Oui, 72. Ouais. Sur l'ensemble. On a commencé à 5. Une belle réussite. Oui. Mais merci à la ville de Moucron aussi, parce que j'ai travaillé avec beaucoup d'administrations communales et villes. Et je pense que Moucron, et j'en suis certain, Moucron est une ville qui bouge incroyablement au niveau de son service environnement. Et non, je ne sais pas lancer des fleurs pour lancer des fleurs. C'est simplement une constatation. Attention, le pot arrive, Christophe, bientôt. Mais quand j'en parle même à d'autres personnes qui travaillent aussi avec des administrations, chaque fois je dis « ouais, mais à Moucron, ça bouge quand même ». Et là, ils disent « ah oui, à Moucron, ça bouge ». C'est un peu plus ouvert. Les travailleurs qui travaillent chez vous, je suppose avec le même entrain et le même enthousiasme que vous, il y a quand même les postes sont ouverts à tous ou bien vous attendez quand même un certain type de travailleurs ou bien s'il y a vraiment tous les travaux, tous les métiers peut-être en ressourcerie ? Le plus grand problème, c'est le système dans lequel on doit travailler, et c'est le système des subsides. Si on vend des fauteuils à 2 euros, 3 euros, on ne sait pas payer un salaire complet. Donc c'est ça, vos recettes ne servent pas à payer des salaires, de toute façon. Si, tout à fait. Si, oui, c'est la plus grosse sortie. Mais on doit travailler dans un système de subsides. Et alors, c'est toujours la frustration, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des bonnes idées et qui ont des capacités incroyables, mais simplement parce qu'ils ont un diplôme, ils ne peuvent pas travailler chez nous. Mm-hmm. Alors, on doit leur dire « Ah, mais non, désolé, tu ne peux pas travailler chez nous parce que tu as un diplôme. » Et alors, la personne, elle dit « Oh, merde, mais justement, j'étais à l'école pour avoir un diplôme. » Pour avoir un travail. Ouais, et alors là, chez nous, c'est l'inverse. Si on a un diplôme, on ne peut pas travailler. Donc, On parle de réinsertion plutôt, alors. La réinsertion est toujours compliquée. Hein. Oui. On est toujours dans un créneau et on doit continuer dans ce créneau et avec toutes les choses qui ne sont pas très, très justes autour de ça. Mais bon. Est-ce qu'on peut imaginer une autre source de financement que travailler avec des subsides ou changer de caisse de subsides, mais ça c'est peut-être encore plus compliqué, mais est-ce qu'il y a d'autres formes de financement auxquelles vous pensez, à part les ventes, le subside? Oui, mais pour moi c'est la chose la plus importante. On doit vraiment avoir un volet économique. Et on doit se détacher au plus possible des subsides. On doit faire avec, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Mais il faut développer au maximum les magasins pour se donner une autonomie d'action aussi. Et je pense que ça, c'est vraiment l'idéal de pouvoir se passer de subsides qu'on ne saura jamais. Mais bon, voilà. J'allais dire un objectif quand même. Vous envisagez d'y arriver ou en tout cas d'approcher ça, cette autonomie? Oui. Oui, mais je ne sais pas quand. Et il y a toujours des points de date précises. Oui, mais on se développe toujours, on fait toujours des nouvelles activités où on se bloque nous-mêmes, parce qu'alors on a besoin d'autres rentrées financières pour faire d'autres activités. Et alors, voilà, on est toujours dépendant d'une manière ou d'une autre, mais c'est justement ça qui est gai, de se diversifier, de faire des choses. C'est un modèle presque associatif, on dirait une association presque. On est une ASBL. Voilà. Alors, on va passer dans le public, parce qu'il y aurait peut-être des questions pour interroger Daphné, Christophe ou David. Non, eh bien, alors, il est grand temps. Très sage. Très studieux. Il est grand temps, donc... Ah, pardon, il y avait une question. Oui, bah, écoute, n'hésite pas. Voilà, lance-lui le micro. Pas trop fort. Voilà, Fred Admont. Oui, merci. Bonjour. Ah non, c'était anonyme. Non, Fred, voilà. Voilà. Je ne sais pas si ça va faire avancer le débat, mais je voulais poser une question à Christophe Deneuve, qui apparemment a dû payer beaucoup les invités. Et c'est pour ça, je voulais savoir si c'est à cause de ton petit portefeuille qu'il n'y avait pas une troisième personne invitée. Merci Christophe. Je suis obligé de répondre ? Non. Alors il est grand temps à présent de retrouver nos experts du coin du bar. Qu'en pensent nos grands philosophes de tout cela ? L'espace est une vraie poubelle maintenant. Sauf que t'as pas de couverture. T'imagines les poubelles devant les pyramides ? Elles devaient être gigantesques. Le beurre de printemps est plus parfumé. Ouais. Si, les vaches ont des fleurs dans le compartiment. On veut du green, on veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs. On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer, on veut du green. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green, green, green, green, green, green, washing. On cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc, du réseau pour nos portables, on voudrait quatre bars tout le temps, des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables. On veut des baleines et du thon. On veut du green, green, green, green, green, green, washing. C'est nous les as, les du marketing, green, green, green, green, green, green. On veut de l'eau toujours qui coule et des rides un peu moins creusées. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été. Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques. On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique. On veut du c'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green, green, green, green, green, green, washing. Des shampoings tout organiques, des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques, des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert, mascarade écologique pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du green, green, green, green, green, green, green washing. On veut du green. du green, green, green, green, green, green, washing. La caractéristique majeure du secteur agricole belge est la diminution structurelle du nombre d'exploitations agricoles qui entraîne un phénomène de concentration de terres. En 34 ans, de 1980 à 2014, le pays a perdu 67% de ses exploitations. Au cours de la même période, la superficie moyenne par exploitation a presque triplé. La main-d'œuvre dans l'agriculture connaît parallèlement une contraction de son volume. Le secteur a perdu 60% du nombre de travailleurs occupés aux activités agricoles. Cependant, face aux défis environnementaux et énergétiques, le secteur agricole est appelé à retrouver une place cruciale. L'agriculture biologique gagne progressivement en importance en Belgique. La répartition par type d'exploitation montre qu'en Wallonie, la conversion touche principalement les éleveurs, alors qu'en Flandre, elle concerne particulièrement l'horticulture. Tout cela est bien sûr lié aux différentes spécialisations des deux régions. Pour parler de la place de l'agriculture bio à Moucron, nous accueillons dans les studios et dans l'espace André Souns, hein, parce que ça résonne oui, un vrai, peu, ouais. Des acteurs de terrain. Monsieur Francis Immortier, qui est propriétaire de la ferme de la Roussellerie, Madame Aude Isobart de l'épicerie court-circuit et Madame Soraya Doraï du Hall Relais Agricole. Francis Immortier, bonsoir. Vous avez repris l'exploitation familiale de la ferme de la Roussellerie située à Herzo avec votre épouse Christine en 1984. Mais votre père, Alphonse, s'est déjà lancé dans l'aventure de l'agriculture biologique et dans celle du circuit court avant vous. Une longue histoire, donc. Pourriez-vous nous rappeler à nos auditeurs ce qu'on entend par circuit court ? Ben, circuit court, dans notre cas, c'est du producteur au consommateur. On essaye d'appliquer la devise, en tout cas, pour ce que l'on produit. Depuis quand même pas mal d'années, mon papa, comme vous l'avez cité, a démarré là-dedans dans les années 60, fin 60, 69, 70. Et à l'époque, on cultivait la pomme de terre, on cultivait déjà la céréale, on avait à l'époque un élevage laitier. Ouais. Et vous êtes séparés par la suite de l'élevage laitier ? Oui, par la suite, des soucis de santé nous ont amenés à réfléchir fortement à cette situation. Et on s'est séparés effectivement de l'élevage laitier. Ça nous causait trop de tracas administratifs. On avait des soucis aussi au niveau de la certification parce que l'élevage laitier devait être mieux entretenu que le propriétaire des bâtiments. Donc on s'est dit, à ce train-là, on préfère s'en séparer. Avec des normes qui s'ajoutent. Des normes qui s'ajoutent et qui sont un peu trop compliquées, des investissements trop lourds pour le retour d'investissement. Donc, c'est de bon cœur qu'on s'en est séparé. Voilà, oui. Lorsque vous entretenez le circuit court, il y a un objectif évidemment lié à la vente, mais il y a plus que la vente directe comme démarche, comme. Comme état d'esprit, comme accueil aussi peut-être pour le public. Ah ben, disons que depuis le temps qu'on travaille dans ce secteur, c'est vrai qu'on a pris un peu l'habitude d'offrir à notre clientèle les, je vais pas dire les mots qu'il faut, mais les conseils qu'il faut pour pouvoir préparer ce qu'ils achètent et savoir ce qu'ils achètent aussi, de quelle manière c'était produit, comment conserver. On en a causé tantôt de la manière de faire. Et tout ça fait partie d'un packaging pour la clientèle. Alors, depuis 2000, les prix alimentaires ont grimpé de 28% pour le consommateur contre une augmentation de 19% pour le prix à la production dans le secteur agricole. L'agriculteur a-t-elle encore un avenir, selon vous, en tout cas sur ce modèle-là, et donc l'agriculture bio, évidemment, en particulier ? Mais c'est de plus en plus difficile d'être agriculteur. Les charges sont très lourdes par rapport au retour financier, encore une fois. Bon, il y a bien sûr les aides de la PAC qui sont là, et d'autres situations, même en agriculture biologique, on reçoit des aides aussi pour le mode de production. Mais ce n'est pas ça qui peut perdurer. Il faut pouvoir éventuellement se démarquer de la manière de travailler. Et c'est ce qu'on applique, encore une fois, depuis relativement longtemps. Mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile à garder. Il faut toujours se remettre en question la manière de faire. Comment, est-ce qu'on continue à produire ce qu'on a toujours fait ? On se diversifie, on arrête une chose, on prévoit une autre. On est dans une situation où on a beaucoup de personnes qui sont intolérantes au gluten, par exemple, ce qui nous a amené à se poser la question, tiens, pourquoi ne produirait-on pas du sarrasin ? C'est pas vraiment une céréale, mais c'est quelque chose qui a pas de gluten dedans. Donc c'est encore un atout d'approche pour notre clientèle, d'autant plus que ça travaille pas mal pour l'environnement aussi, au niveau des pollinisateurs, cette situation-là. Il y a vraiment une approche directe entre ce que vous proposez et ce que les gens attendent de vous. Ou parfois, ça marche pas. Ici, le sarrasin, je pense que c'était un peu inédit comme démarche. Tout à fait. Tout à fait inédit, oui. On y avait déjà réfléchi pendant plusieurs années, pas en production directe, mais en bande enherbée. Et on avait trouvé que c'était une chose qui était intéressante. C'était quelque chose de relativement neuf. Pour moi, pour nous, en tout cas par ici, et on s'est dit à un certain moment, allez, on y va. Il y a une vraie fidélisation au niveau de votre clientèle, on l'a vu en faisant le micro-trottoir chez vous. Vous faites aussi, vous donnez aussi des conseils à votre clientèle. Ça, les conseils, c'est le rôle de mon épouse. Ça, c'est vraiment le rôle de mon épouse au magasin. Les conseils, moi, je vais pouvoir conseiller aussi, mais ce ne sera pas de la même manière. Ce sera des conseils au niveau de comment produire la pomme de terre dans son jardin, comment faire ceci, comment faire cela. Mais ça se limite à ça. Tous les autres conseils au niveau alimentaire, c'est mon épouse qui s'en occupe, ça oui. Permaculture, locavore, agriculture raisonnée, hybride, OGM, autant de termes qui peuvent, pour la plupart d'entre nous, parfois nous sembler bien flous. D'autres convaincus les maîtrisent parfaitement. Nous en avons rencontré certains à la sortie de votre magasin, du magasin de la ferme de la Roussellerie. Ben, je mange bio depuis 30 ans, donc diététique. Donc, parce que bon, j'ai eu des problèmes de santé et donc j'ai pu retrouver la santé grâce au bio. Enfin, au bio et à l'alimentation naturelle, quoi. J'achète pas 100% bio. J'achète parce que c'est meilleur pour la santé. Il y a moins de pesticides, pour moins de produits chimiques dans les aliments, dans les légumes. La viande aussi, je pense que c'est mieux. Il y a moins d'antibiotiques, c'est plus contrôlé. Donc, c'est pour ça. Pour ma santé d'abord et puis pour l'environnement, c'est bon aussi, voilà. Je connais ces gens-là depuis déjà pas mal d'années, hein. Je suis un habitué d'ici, alors voilà. J'ai un petit potager, mais bon, j'étais un petit, alors je ne sais pas mettre tout ce que je veux, donc. En fait, je viens acheter des graines, parce qu'ils sont dépositaires de la marque Semaille, qui fait des graines propres. Et comme j'ai mon propre potager, je veux pas de graines hybrides, je veux pas d'OGM, donc... Mes parents ont un jardin ouvrier, donc on essaye d'acheter le moins possible en supermarché, et puis on est plutôt dans la permaculture, tout ce qui est locavore, et puis le propre, quoi, voilà. Je suis pas 100% bio, oui et non. Enfin, on va manger local, tout ce qui est agriculture raisonnée, on va dire, et pas trop manger non plus. Enfin, on mange ce dont on a besoin. On a des choses dans notre jardin. Enfin, et on a la chance d'habiter près de différentes fermes qui ont des services autant au niveau du fromage, des céréales, de la volaille, des légumes. Donc, on doit pas aller très très loin pour manger. Peut-être réagir suite au témoignage recueilli. Ça me paraît assez complet. Oui. En plus, ce sont des clients, donc. Voilà, absolument. Mais fidéliser. Vous avez reconnu tout le monde ? Non, pas du tout. Vous voyez chercher. Pas du tout. Oui, effectivement, j'ai été occupé de me dire tiens, cette voix-là, j'ai déjà entendu. Celle-là, j'ai pas encore entendu. Mais fidéliser une clientèle, c'est très difficile. Bien sûr. Ouais. Pour un oui, pour un non, la clientèle, elle vient, la personne vient, elle ne vient plus. On se pose des questions. Est-ce qu'on a fait quelque chose de travers ? Est-ce qu'on a dit un mot de travers ? On n'en sait trop rien. Mais il y a quand même, ces derniers temps, un va-et-vient relativement important. Mmh. Mon épouse dit, chaque semaine, je vois des nouvelles têtes, des personnes que j'ai jamais vues. Et puis on les revoit, tout à coup on ne les voit plus, ils reviennent. Et il y a un renouvellement comme ça qui se fait continuellement. Dans différents témoignages, on fait quand même référence à la santé pour expliquer leur démarche vers vos produits. Oui, effectivement, la santé. La santé, c'est souvent le problème. Et je pense que le point de départ de notre façon de travailler, c'était aussi un problème de santé vis-à-vis de mon papa et de ses frères, mes oncles à l'époque. Tout le monde, je n'ai plus personne à voir maintenant parce qu'ils sont plus de ce monde. Mais le point de départ, c'est souvent des petits soucis de ce côté-là. Oui, d'accord. Merci d'avoir été des nôtres, en tout cas. Nul n'est passé à côté. Notre société vit un retour aux sources, aux produits régionaux, voire locaux, au respect de l'environnement. C'est dans cet état d'esprit qu'Aude Isebaert a ouvert Court Circuit dans la rue des Brasseurs, à la fois un resto et une épicerie bio. Comment ces commerces pas comme les autres ont-ils vu le jour? Comment avez-vous eu l'idée de cette épicerie, Aude? Et comme vous dites, c'était exactement ça, donc une prise de conscience de la consommation actuelle, les enjeux environnementaux et sociaux qui en découlaient. J'ai voulu aussi, moi, revenir à un mode de consommation plus simple, donc connaître le produit, d'où il vient, si possible sans pesticides. Et également, d'un autre côté, je me suis rendu compte que les poubelles étaient remplies de plastique, et à ce niveau-là, de pouvoir acheter sans emballage. Et du coup, bah oui, moins de gaspillage aussi d'emballage et d'aliments, de pouvoir acheter ce que je voulais et de savoir ce que j'achetais, en fait. Donc, vous dites être une épicerie responsable, donc des produits locaux en vrac et bio. Exactement, ouais. Que peut-on retrouver dans votre épicerie? On retrouve de tout. J'essaye, ou en tout cas, j'aimerais arriver à un supermarché, si possible. En premier lieu, donc, les fruits et légumes, qui viennent bien sûr des fermes de la région. On retrouve aussi des produits secs comme les pâtes, le riz, toutes sortes de céréales, des biscuits, des bonbons aussi, des fruits secs. Et alors, en dernier lieu, tout ce qui est produits d'entretien et d'aménagement. D'entretien de la maison et cosmétiques, pardon. En vrac aussi, si possible, ou en tout cas sans déchets, sans emballage. Ça correspondait vraiment à une demande de la part des citoyens, ou c'était vraiment une démarche personnelle à la base, comme vous disiez tout à l'heure? Moi, j'habite Moucron, oui. Je travaillais avant sur Templeuve, et j'avais besoin d'aller dans ce genre de magasin, et un magasin existait comme ça à Tournai. Et je me suis dit, de faire la route tout le temps, c'est pas la solution. J'attendais qu'un magasin ouvre comme ça à Moucron, et comme il n'est jamais arrivé, en tout cas, moi, la demande, c'était « j'en veux un Moucron ». Donc, je l'ai lancé moi-même, et je sens bien, effectivement, qu'il y a de la demande, en fait. C'est ça, connaître la traçabilité d'un produit. Savoir d'où ça vient, oui, on pose primordial beaucoup de questions. C'est primordial pour les consommateurs, tout à aujourd'hui. Fait, ouais. Quand on sait que la place occupée par les dépenses pour l'alimentation dans la consommation totale est passée ces 30 dernières années, oui, j'aime bien les chiffres, de 22% à 12%, et que le prix de la plupart des produits n'a pas baissé dans une même mesure, et que aussi les plats préparés gagnent en importance, on peut se demander si les produits bio sont une priorité pour tous. Est-ce qu'ils sont abordables pour tous ? Les produits bio sont abordables quand ils sont de saison et quand ils sont locaux, en fait. Mm-hmm. Je pense que maintenant aussi, les grosses entreprises profitent du fait que le bio revient à la mode pour lancer aussi toutes sortes de bio, et qui, à ce moment-là, est super cher parce qu'il vient d'Espagne, voire plus loin, et qui est aussi suremballé. C'est ça qui donne aux produits bio ce coût en plus. Maintenant, quand on revient à la source avec des produits bio locaux et sans emballage, on est moins cher. Mm-hmm. On est moins cher, ça vaut le coup. Oui, vous êtes moins cher que dans les grandes chaînes de distribution. Dans les grandes chaînes, en majorité. Oui. D'accord. Pour tout ce qui est, en tout cas, légumes et la plupart des produits qui se mangent, on va dire. Alors, après le succès des paniers fermés du marché du terroir, la cellule environnement souhaite ouvrir une structure regroupant sous le même toit divers produits locaux. Tiens, on vient d'en parler. Soraya Doraï, vous êtes la responsable du Hall Relais Agricole. Bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Et soir. Première question, où êtes-vous installée? Alors, ce sera dans les anciens locaux de la cellule environnement à la Vellerie. Tiens, c'est vrai, ils ont déménagé. Oui. Pourquoi ils ont déménagé? Tout simplement parce que donc, le service environnement a rejoint donc, les autres services de la commune au centre administratif moucronois. Alors, c'est un espace idéal pour promouvoir vos futures activités? Oui, tout à fait, parce qu'il permet donc les grands bureaux qui d'auparavant pourront devenir donc un espace de vente. Il y avait un garage dans lequel donc on pourra faire tout ce qui est stockage, et on pourra construire donc une chambre froide réfrigérée. Et dans des autres bureaux qui étaient attenants, on pourra faire un atelier donc de transformation. Alors, on entend qu'il va y avoir beaucoup de choses. Ça va fonctionner comment, le hall du terroir? Alors, dans un premier temps, ce sera un dépôt-vente pour tous les producteurs donc, de la région. Et le but, à terme, est d'offrir donc, des produits transformés. C'est ça. On pourra aussi trouver des produits, pas spécialement de Moucron, des produits équitables ou ce genre de choses ? Oui, donc il y aura donc d'abord donc des produits locaux. On s'en tiendra donc à une distance géographique de 30 à 40 km autour de Moucron, mais on favorisera aussi pour les produits comme le café, les choses chocolat. Le chocolat. Voilà. J'ai essayé. Donc des produits dont nous ne savons que nous ne produisons pas en Belgique. C'est plus compliqué à Moucron, effectivement. Et donc là, on assurera donc le fait qu'il soit issu donc d'un commerce fair trade et équitable. Alors, vous allez travailler avec différents partenaires. Vous allez travailler évidemment avec avec des agriculteurs. Ça peut être un stimulant, vous pensez, pour finalement pour les agriculteurs qui sont déjà en place. Pour les agriculteurs qui sont déjà en place, en réalité, donc, ce qu'on leur offre, donc, c'est une plateforme de vente où ils ne devront plus assurer, pas plus assurer du tout, mais en tout cas, où on leur facilite donc, la distribution, sachant que la distribution, ça leur prend quand même pas mal de temps au moment où ils sont vraiment pris par l'agriculture. Donc le fait d'avoir donc, une plateforme de distribution les déchargera et leur rendra plus disponibles pour leur activité agricole. Alors, il y a aussi un projet social qui est lié au développement du projet. Oui, bien sûr. Oui, donc c'est un projet qui se fera donc en partenariat donc avec plusieurs partenaires, la régie donc de quartier, donc donc le CPAS, puisque un article 60 sera mis à disposition pour assurer donc la vente et la transformation donc des produits. Donc c'est vraiment donc un projet de réintégration donc socio-professionnelle, mais aussi avec l'ASBL l'échelle, donc point de vue donc des personnes handicapées pour leur permettre donc une autonomie de plus en plus grande. Et alors il y a une idée en parcourant un peu, il y a une idée de création aussi d'être créatif. Vous allez proposer des ateliers spécifiques ou ce genre de choses pour donc, les enfants ou... Pour les enfants et pour les adultes, donc le but donc est de conscientiser donc de plus en plus donc les personnes. Donc c'est vraiment de créer donc des ateliers donc au point de vue donc de l'alimentation durable et du rôle que de chacun qui peut devenir consomme acteur. Donc c'est-à-dire que vraiment se dire qu'il est acteur de sa propre consommation, mais aussi de pouvoir, au point de vue donc de la santé, puisqu'on en revenait sur plusieurs choses, donc de comment faire un repas donc équilibré et sain. Pour certaines personnes qui ont l'habitude d'ouvrir des boîtes, etc., ça peut être simplement de réapprendre à cuisiner. Pour éviter le gaspillage alimentaire, c'est comment faire un repas à base de restes. Voilà, il y a toute une série donc d'ateliers. Ça va être riche. Voilà. Et vous songez à une inauguration ou à un événement officiel? À quel moment? On espère début septembre pour la rentrée. Bonne rentrée. Une question dans le public, pardon. Une question dans le public peut-être. Mais le temps j'essaie, passe. J'essaie de suivre la conduite. Hein. Oui. Retour à la musique sur RQC. Ne bougez surtout pas. On revient de suite après. Rendez-nous la lumière. Et oui, on va parler d'énergie. Dominique A. On voit des autoroutes, des hangars, des marchés, de grandes enseignes rouges et des parkings bondés. On voit des paysages qui ne ressemblent à rien, qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de fin. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons gâché. On voit de plein rayon de bêtes congelées, leur peur prête à mâcher par nos dents vermillon. On voit l'écriture blanche des années empilées. Tous les jours c'est dimanche, tous les jours c'est prier. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons gâché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons caché. Des cieux embrigadés, tant de vies sacrifiées pour du cristal qui ronge. On voit des fumées hautes, des nuages possédés, des pluies oranges et mauves donnant d'affreux baisers. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Le monde était si beau et nous l'avons caché. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté. Si le monde était beau, nous l'avons caché. Consommation d'énergie est fort dépendante des conditions climatiques. Les parts des diverses sources d'énergie dans la consommation finale d'énergie sont restées relativement constantes ces dernières années. La part des produits pétroliers atteint environ 50%, celle du gaz naturel 25%, celle de l'électricité 17%, celle de l'énergie renouvelable et des déchets 4,5%, celle des combustibles solides 2,5% et celle de la chaleur 1%. L'utilisation rationnelle de l'énergie est devenue une priorité pour notre société ainsi que pour l'avenir de notre planète. Pour réduire leurs factures énergétiques, les citoyens déploient une panoplie de petits gestes simples et pratiques. J'évite de consommer trop d'électricité. Je fais gaffe à... Quand j'allume, j'éteins aussi vite derrière moi pour ne pas laisser d'éclairage inutilement. L'eau, c'est pareil. J'évite de laisser couler l'eau trop longtemps. Enfin, je fais attention à un peu à tout, quoi. Ah, puis, c'est bon pour le portefeuille aussi. Il faut... Tout ce qui est ressources énergétiques, oui, ça fait partie de nos sélections et de nos choix. Alors là, pour l'instant, on fait de notre mieux parce qu'on rénove une maison. C'est plus facile si on part sur des bases neuves pour être totalement, on va dire, 100% écologique. Mais oui, on peut mettre le prix pour essayer de réduire notre impact au niveau du gros œuvre, des ressources énergie. Alors, depuis que les enfants sont partis, oui. Avant, non, parce qu'ils étaient là, c'était un confort. Moi, je partais le matin, je revenais le soir, donc bon, c'est un peu différent. Mais maintenant, effectivement, on baisse à 18 degrés, ou alors on fait un peu plus de feu de bois. Mais bon, effectivement, on fait attention à ce poste. On essaye au maximum de taper dans la classe A. La plupart des magasins maintenant proposent des articles qui sont plutôt faibles mangeurs d'énergie. Donc je vois plus beaucoup d'appareils en classe D ou des choses comme ça. Alors, Étienne Devos, vous êtes responsable de l'environnement au sein de la société ORES. On peut peut-être rappeler à nos auditeurs quelles sont les missions d'ORES. ORES est chargé principalement de la distribution du gaz et de l'électricité dans la plupart des communes wallonnes, donc à partir des postes haute tension d'Elia, comme on a au Pérou-Lannoy et Samcron, ou de haute pression de Fluxis. On distribue jusque chez les particuliers ou dans les entreprises. Donc ça, c'est notre métier de base. Hein, donc, et à côté de ça, il y a d'autres activités de recherche, puisqu'on va en parler notamment en matière d'environnement, sur les énergies renouvelables, puisque Il y en a de plus en plus. Donc ça a changé toute la philosophie de la distribution. On partait auparavant de grandes centrales, de grandes productions, et on allait petit à petit vers un réseau de plus en plus fin jusqu'à l'utilisateur final. Maintenant, cet utilisateur final devient lui-même producteur. Et donc, quand plusieurs petits producteurs habitent le même quartier, ils peuvent injecter dans le réseau des quantités beaucoup plus importantes que ce qu'eux ne consomment, ce qui nous oblige à revoir notre réseau pour pouvoir absorber cette production et la redistribuer ailleurs. Et donc, voilà, ORES a des points de recherche également pour voir comment faire pour un mieux, comment promouvoir aussi que les gens utilisent l'énergie qu'ils produisent directement chez eux au moment où ils la produisent, d'où l'intérêt du réseau et des compteurs intelligents qui vont s'installer prochainement. Et donc, qu'à distance de son lieu de travail, on puisse mettre une machine en route à la maison au moment où on voit qu'il y a du soleil, parce que c'est le meilleur moment pour l'utiliser, pour éviter de l'injecter quelque part, qu'elle se perde un peu dans le réseau. Donc ça, c'est toutes des idées sur lesquelles ORES travaille. On travaille également avec les entreprises pour les aider à faire un diagnostic énergétique, voir quelles sont les pistes de diminution de l'utilisation de l'énergie, parce que c'est la première chose à faire, c'est d'utiliser moins d'énergie, et puis après aussi éventuellement produire de l'électricité à partir du photovoltaïque ou produire du gaz, puisqu'on a cette possibilité-là également. Donc voilà, ça c'est... Ouais, dans le micro-trottoir, on entend aussi que les gens sont concernés, donc il y a une évolution dans les comportements, et ça se ressent chez vous aussi. Oui, mais de toute façon, une des missions d'ORES aussi, on l'a mentionné tout à l'heure, c'est l'utilisation rationnelle de l'énergie. Nous ne sommes pas fournisseurs, nous ne sommes pas producteurs d'énergie, donc on ne gagne rien, entre guillemets, à vendre de l'énergie. Donc on fait plutôt une promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie. Ça nous aide également à ne pas surdimensionner les réseaux. Surdimensionner un réseau, ça veut dire qu'il va coûter beaucoup plus cher. Donc, ce n'est pas de l'intérêt non plus de la société. Donc, on pousse les gens effectivement à avoir des gestes responsables pour mieux utiliser l'énergie. Alors, au-delà des petits gestes, on sait qu'il y a eu différents investissements, évidemment. On entend aussi que pour l'aménagement des habitations, il y a des efforts qui sont faits. On parle évidemment double vitrage, l'isolation qui a changé, etc. On parlait de primes avant qui motivaient les citoyens à prendre ce genre d'initiative, mais il y a eu différents primes et des arrêts. Est-ce que c'est un peu plus clair maintenant d'avoir sa prime pour avoir son isolation, pour installer des panneaux photovoltaïques ou ce genre de choses? Oui, le photovoltaïque, ça a fait couler beaucoup d'encre. Ça a créé aussi cette fameuse bulle du photovoltaïque, parce qu'on a promis beaucoup de choses au départ, puis on se rend compte que ça coûte fort cher, et tout ça retombe sur l'ensemble des citoyens. Donc ceux qui n'ont pas mis de photovoltaïque payent pour les autres, ce qui n'est pas facile. Il crée des tensions au niveau des gouvernements. C'est plus à ce niveau-là, évidemment, que ça se discute. Nous, on hérite maintenant de la gestion de toutes ces primes, etc. Pas nous qui les décisons, mais c'est vrai que c'est assez complexe à suivre pour monsieur tout le monde. Quoi. Mais... Il y avait une question aussi sur nos appareils ménagers, nos appareils de tous les jours. L'offre a-t-elle changé? Est-ce qu'on trouve plus d'appareils ménagers en classe A, par exemple? Est-ce que vous pouvez vous mesurer ça, par exemple, dans... Nous autres, directement, le mesurer, non. Ce n'est pas directement notre rôle de le faire. On va relever les compteurs. Ça, c'est ça, avec l'usage. Avec l'usage, ça, forcément, c'est une des tâches qu'on doit faire. Maintenant, on le disait tout à l'heure aussi, la consommation d'énergie varie en fonction du climat. Alors, quelle est l'influence de... Il fait bon ici, entre parenthèses. Oui. L'influence d'un appareil A ou double A ou triple A, s'il fait mauvais, s'il fait sombre, qu'on utilise plus l'éclairage à la maison, etc. C'est difficile de voir vraiment une tendance. Hein. Et pour le chauffage, c'est la même chose en fonction de si l'hiver était plus froid ou plus doux. C'est plus là qu'on voit une grosse différence. Merci. La production d'électricité renouvelable a connu une forte croissance donc, durant la dernière décennie. L'énergie éolienne est la principale source d'énergie renouvelable dans la production d'électricité. Et d'ici fin 2017, de part et d'autre de la 17, il y aura 5 éoliennes qui se hisseront à 130 mètres de haut dans le ciel éteint puisien. Donc ORES fait partie du projet. Mm-hmm. Et qu'en est-il sur Moucron, sur le territoire moucronois? Est-ce qu'on envisage d'installer des éoliennes? Ça aussi, c'est une idée qui est dans l'air depuis très longtemps. Il y a des sites qui ont été identifiés. Maintenant, le problème de l'éolien, c'est plus la résistance des voisins à accepter que d'avoir un moulin qui tourne tout près de chez eux. Et donc, il y a des distances à respecter par rapport aux maisons les plus proches. Mmh. Et donc, voilà. Mais je sais qu'il y a des projets sur l'un ou l'autre site à Moucron. Maintenant, il faut voir si la population l'acceptera. Mais je sais qu'il y a des possibilités. La survie de la planète doit-elle nécessairement passer par les énergies renouvelables, d'après vous ? Oui. Mais donc, comme je disais tout à l'heure, une des premières choses à faire, c'est diminuer la dépendance par rapport à l'énergie d'une façon générale. Donc, consommer moins, avoir des appareils plus performants. Ça, c'est deux choses très, très importantes à faire et qui sont entre nos mains directement. Et puis, effectivement, diminuer l'utilisation d'énergie fossile, puisqu'on sait qu'elles sont celles qui ont un impact direct sur le changement climatique. Merci Étienne De Vos. Alors, d'énergie, nos deux compères n'en manquent pas. On retrouve Maud et Philibert au coin du bar. Non, mais t'as vu la poussière radioactive qui sort d'une centrale nucléaire? Wow. Si t'habites à côté, bonjour les meubles, hein. Le développement durable, moi je m'en fous. Je veux pas que ça dure. Avec un redout comme ça, on aura des mouches sur la bûche cette année. RQC vous ouvre ses portes. Dans le cadre de l'opération Wallonie Weekend, bienvenue. RQC Radio Kichifel revêt son costume d'ambassadeur pour vous proposer une visite de fond en comble et hors du temps. Envie d'en savoir plus? De découvrir le cœur de votre radio? Rejoignez-nous le week-end des 22 et 23 avril 2017 de 10h à 18h pour tout savoir sur votre radio. Des activités spéciales se dérouleront le samedi 22 avril à 15h, 16h et 17h et le dimanche 23 avril à 15h et 16h dans le studio de la radio au 2A rue Roger Salengro à Moucron. Plus d'infos sur le www.wallonibienvenue.be. Réservation par email à l'adresse bonjour@rqc.be ou par téléphone au 0479 65 91 01. You may have the money, but you've got to go. It's sensible. RQC. It's sensible. En 1977, la Belgique comptait une voiture particulière pour 3,55 habitants. À l'heure actuelle, il s'agit d'une voiture pour 1,99 habitants. Il y a donc de plus en plus de voitures sur nos routes. En l'espace de 10 ans, la densité automobile a augmenté de près de 6,6%. En Belgique, elle est légèrement supérieure à la moyenne européenne et équivaut à celle de nos pays voisins. Pour débattre de cette question de mobilité, nous accueillons sur le plateau de On ne vous a pas tout dit, Nathalie Blanc du service mobilité de la ville de Moucron, ainsi que Ralph Spegelard, cycliste convaincu. Alors, quelles sont les habitudes en matière de mobilité des Moucronois? Comment se déplacent-ils en ville pour aller à l'école, sur leur lieu de travail? Quelles sont les difficultés rencontrées? On vous offre un petit panel non exhaustif. Je vais en vélo, pour moins polluer et pour le bien de la terre. Et en même temps, je prends l'air. Je vois plein de bouchons et toutes les voitures qui sont dans les embouteillages. Et je vais plus vite qu'elles. Ils ne voient pas les voitures et parfois, ils ne te laissent pas passer. Le vélo. Je fais d'assez courtes distances. Je vais de mon domicile à l'école de ma fille et puis de l'école de ma fille au travail. Dans les rues principales, pas vraiment, mais dans les petits sentiers et tout ça, ça va. On nous regarde pas beaucoup dans les sens unique limité. Les automobilistes n'ont pas encore pris l'habitude de regarder des deux côtés dans ces sens uniques avant de s'engager. L'intérêt, c'est que ça raccourcit mon trajet. Donc évidemment, je trouve ça très pratique. Ça allongerait grandement mes trajets si je pouvais pas les utiliser. J'ai la moto parce que bon, en voiture, je mets 25 minutes, en moto, 5 minutes, je suis là. Il y a quand même plus de risques parce que bon, j'ai la moto, donc fatalement, je double les files de voiture, à allure modérée, bien sûr. Il y a quand même pas mal d'automobilistes qui ne sont pas compréhensibles. Quand on arrive, au lieu de se rabattre vers la droite, ils font l'inverse, ils se rabattent vers la gauche pour éviter de nous laisser passer. Non, je ne peux pas venir à vélo parce que ça fait un petit peu loin et je dois déposer ma fille à l'école le matin, donc à vélo, comme elle a 4 ans et demi, c'est un petit peu compliqué. Et par contre, j'ai déjà habité en centre-ville où là, j'allais vraiment travailler à pied, donc c'était plutôt agréable et je me servais beaucoup moins de la voiture. Là, j'habite à la campagne, donc je suis un petit peu plus dépendante de mon véhicule. Ça dépend des jours. Le matin, c'est un petit peu difficile hein, quand même pour circuler, on met un peu plus de temps. La voiture. Parce qu'il faut conduire les enfants à l'école, puis venir au travail, retourner les chercher, et puis en plus, à la fin de la journée, aller les conduire aux activités extrascolaires. Et vous trouvez qu'à Moucron, ça circule bien au niveau des voitures ? Non, pas du tout. Soyons francs et honnêtes, non. Alors, un micro-trottoir qui, avouons-le, est assez incomplet, puisque nous n'avons pas intégré les transports en commun. Faire des choix parfois, voilà. Alors, une petite réaction, Nathalie, sur ce que vous venez d'entendre. Ben, ça illustre vraiment bien un petit peu les particularités. En fait, l'idée qu'on a essayé de mettre en place, c'est de pouvoir offrir un choix aux utilisateurs. C'est-à-dire que les choix peuvent être complètement différents selon le type de déplacement, qu'on soit dans du déplacement domicile-travail, domicile-école, ou qu'on soit dans les loisirs. Mais on voit, on le constate, hein, des comptages sont réalisés régulièrement, et on a quand même les modes doux qui se développent. Donc on le disait tout à l'heure, bah, les parts modales véhicules particuliers ont augmenté, effectivement. Maintenant, il y a aussi des initiatives comme le covoiturage qui se multiplient, et on a en fait les gens qui peuvent très bien adapter leur mode de transport. Autant avant, bah, quelqu'un qui utilisait la voiture dans ses déplacements domicile-travail peut très bien certains jours garder la voiture parce qu'effectivement ils doivent faire des courses, ils doivent aller récupérer les enfants, conduire à certaines activités, mais par contre très bien s'organiser pour que d'autres jours, eh bien, un jour ou deux par semaine, ils utilisent le vélo. Alors c'est un constat qui revient évidemment dans différents témoignages et qu'on constate forcément aussi si on habite à Moucron. Les Moucron aux heures de pointe, et j'ai envie d'ajouter, d'ailleurs j'ai ajouté ce matin, tu vois ça, on a créé un échangeur, un espèce de rond-point tunnel comme ça, une œuvre architecturale qui est magnifique. Je suis sûr qu'il nous est envié un peu partout. Normalement, c'est pour entrer un peu plus facilement ou sortir un peu plus facilement de la ville de Moucron. Et c'est absolument l'inverse. Donc pourquoi ? Bon, absolument l'inverse. J'irai peut-être pas jusque-là. Maintenant, c'est sûr que les voiries, on ne peut pas les dimensionner pour qu'elles puissent absorber tout le trafic aux heures de pointe. Il y a plus de trafic. Donc. Sinon, on ferait des boulevards un peu partout avec des deux fois deux voies. L'idée, c'est effectivement de proposer toute une série de modes de transport. Là, le giratoire, pont giratoire en l'occurrence, a été dimensionné correctement. Le problème vient en fait du nœud suivant. C'est un principe de tuyau et qui pêche par l'endroit le plus faible, et c'est le pont Sainte-Thérèse. Parce qu'en fait, pour l'instant, on est quand même limité avec ce pont en termes de régulation des feux. Donc là, ça devient un petit peu technique, mais c'est un poste de commande qui est très ancien et qui ne nous permet pas d'affiner véritablement l'organisation de ce carrefour. Mais dans le cadre de notre schéma directeur de la gare et des investissements qu'on pourra faire aux abords de la gare grâce au financement européen des fonds FEDER, il y a tout ce carrefour qui sera repensé, réaménagé, et on va mettre deux nouveaux postes de commande de feux. Et là, ça nous permettra d'avoir vraiment une gestion fine en matière de circulation et de pouvoir avoir des programmations de phasage de feu qui soient complètement différentes en période d'entrée de ville, donc au moment des heures d'entrée où les gens veulent entrer dans le centre-ville, regagner les écoles, regagner les commerces. On pourra avoir à nouveau une nouvelle programmation quand on sera en sortie de ville pour évacuer justement la sortie et avoir une programmation même particulière pour le mercredi midi qui pose aussi problème en centre-ville. Par exemple. Voilà, tout à fait. Alors, je veux rajouter une petite incursion par rapport au premier volet de ces émissions spéciales. On ne vous a pas tout dit, évidemment. Dans quelle mesure l'ouverture d'un centre commercial, par exemple, vient perturber la circulation en ville, hors ville, l'entrée en ville ? Effectivement, on n'est plus là sur les heures de pointe, puisqu'on n'est plus dans une occupation et dans une desserte. On n'est pas dans ces heures de pointe, donc on n'est pas sur les mêmes flux. Maintenant, c'est sûr que ce type d'implantation nécessite un volet environnemental et une étude environnementale qui prend en compte justement les flux qui pourraient être générés et essayer d'y répondre. En parallèle avec ça, effectivement, il y a un investissement aussi dans le centre-ville où on essaye aussi de redynamiser et de garantir une accessibilité dans le centre-ville pour le commerce. Alors, plus particulier, je ne m'acharne pas sur le zoning, ne vous inquiétez pas, mais il y a les camions, évidemment, puisqu'on a des bons zonings. Il y a aussi des voitures de société. Est-ce que là aussi, il y a un impact, heure de pointe, par exemple, les gens qui regagnent leur travail, est-ce que vous pouvez mesurer, ou bien il n'y a pas d'idée de mesurer ça ? On n'a pas de données spécifiques dans ce qui est voiture de société, déplacement de société, mais c'est sûr que vous le disiez, on a une attention toute particulière au flux camions. Donc il y a un projet assez récent qui a été empêcher le stationnement des camions en centre-ville, parce que c'était quand même, ça générait des nuisances sonores pour les riverains, mais aussi des risques de danger, hein, puisqu'on avait des camions qui étaient très larges, qui étaient stationnés en centre-ville, dans des voiries étroites, qui démarraient à 5 heures du matin. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel la commune a travaillé. Et alors, le projet suivant, c'est dans le cadre de l'achèvement de la route de la Laine, où on va véritablement, en partenariat alors avec l'intercommunal IEG, mais aussi avec la région Wallonne, mettre en place une signalisation spécifique des zones activité. Mais ça, ce projet ne peut être mis en œuvre que véritablement quand on a mis la route de la Laine en service, puisque c'est la colonne vertébrale qui permet d'organiser les accès à nos différents zonings. On a une idée pour l'échéance. On n'a jamais été aussi proche. Ah. On touche au but. Donc, le dernier élément, le dernier chaînon manquant de cette voirie, qui est le pont giratoire au carrefour de la chaussée de Luynes, vient d'obtenir son permis. Ah. Et donc là, la région Wallonne est en train de finaliser ses cahiers des charges pour pouvoir désigner un bureau, donc une entreprise qui sera chargée de réaliser les travaux. On parle d'un début des travaux ici pour la fin de l'année. Et alors, on compte environ un an de travaux. Bon, alors, on le sait, la mobilité doit être réfléchie dans sa globalité. Nathalie, c'est pourquoi dès le début des années 2000, la ville, en collaboration avec la région Wallonne et les transports en commun, ont confié l'élaboration d'un plan communal de mobilité à deux bureaux d'études. Quel était donc à l'époque le diagnostic posé par ces experts ? Et donc, effectivement, c'était consécutif à la signature par la ville de Moucron de la charte de la mobilité. Donc ça, c'était en 99. Et à partir de 2000, on s'est lancé dans une étude d'un plan de mobilité qui a concerné trois phases. D'abord, un diagnostic. Le diagnostic, en fait, c'est vraiment un état des lieux, c'est des comptages, c'est vraiment un diagnostic de ce qui se passe. Mmh. Ensuite, il y a toute une série d'objectifs qui ont été définis. Les objectifs, c'est le maintien de la convivialité, une multimodalité, d'envisager tous les modes de déplacement. Puisque l'idée, véritablement, de ces chars de la mobilité, c'était de ne plus uniquement faire des routes, mais de vraiment faire des rues. Et d'essayer d'avoir un partage de l'espace entre les différents usagers, évidemment un objectif de sécurité routière. Par rapport à ça, donc il y a toute une série de fiches actions qui ont été générées, et on arrive maintenant à la fin de la mise en œuvre de ces différentes fiches actions, puisque le plan a été approuvé en 2003, et donc on est déjà à plus de 14 années de mise en œuvre. Donc des séances d'information auxquelles la population était conviée ont été organisées à l'époque. Donc vous avez tenu compte, j'imagine, des doléances des citoyens. Quelles étaient-elles ? Vous avez exemples peut-être. Voilà, donc il y avait les objectifs étaient différents, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de mobilité, même si on essaye de rencontrer un intérêt général, on n'arrive jamais à rencontrer tous les intérêts individuels. Oui. Donc ça, c'était un petit peu la grande ligne de conduite par rapport à ce qu'on entendait. Les gens, ce qu'ils voulaient, c'était pouvoir circuler en sécurité. Ça, c'était quelque chose qui revenait régulièrement. Diminuer aussi les nuisances. Parler aussi beaucoup d'éviter d'avoir les embouteillages, les risques d'accidents, ce genre de choses, c'était des choses qui revenaient régulièrement. L'aménagement de trottoirs plus larges, de pistes cyclables, de sens unique limité, tout cela répond évidemment à un besoin exprimé par les habitants. Oui, tout à fait. Mmh. Et alors, un grand volet qui était aussi l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, qui était aussi à l'époque une nouveauté, mais qui était vraiment une donnée qu'à partir de ce moment-là, on a réellement pris en compte dans tous les projets d'aménagement. Vous avez rabaissé des trottoirs ? Voilà, c'est ça. Donc, c'est des abaissements de trottoirs pour garantir les continuités. Parfois, c'est le passage piéton qui se qui se surélèvent, hein, puisqu'on fait des plateaux, et alors aussi l'installation de dalles de repérage podotactiles qui permettent aux personnes déficientes de la vue de repérer les traversées. D'accord, donc ce plan communal a déjà, eh bien, il y a des projets qui ont déjà abouti. On peut en citer peut-être quelques-uns, la sécurisation des abords des écoles, la mise en semi-piétonnier des rues de Tournai et de Courtrai, l'aménagement du rond-point de la place de Luynes. D'autres projets sont en cours de réalisation ? Donc oui, en fait, maintenant, ce qui est important de se rendre compte, c'est que peu importe que le projet ait été pensé ou non dans le cadre du plan de mobilité, hein, puisque c'est quand même assez ancien, tous les objectifs sont restés les mêmes. Donc, c'est-à-dire que maintenant, au sein du bureau d'études et des services techniques de la ville de Moucron, plus aucun projet en matière d'aménagement de mobilité ou de voirie ne sort sans avoir réellement réfléchi aux différents modes de transport et essayé justement de rencontrer ces fameux objectifs du plan de mobilité. Alors, une des clés de la mobilité, c'est aussi le parking. Et il faut bien avouer que l'offre en stationnement est importante et diversifiée dans le centre de Moucron, avec une grande particularité, évidemment, que tout Moucronois connaît, puisque c'est gratuit. Voilà. 1300 places au centre-ville, 2600 sur l'ensemble de la commune. Et il n'y a pas de place pour se garer, si, quand même. Hein. Alors, lors d'une émission précédente, ben, justement consacrée au commerce, hein, au centre-ville, il y avait certains commerçants qui avaient des craintes vis-à-vis des travaux de la Grand Place, justement par rapport aux habitudes de parking des personnes. Voilà. Y a une idée, évidemment, que les travaux vont se faire suivant différentes phases. Et est-ce qu'il y a un aménagement qui peut se faire aussi pour le parking ? Voilà, donc effectivement, vous avez tout à fait raison. On est en plein dans l'actualité, dans le vif du sujet. Et donc, le chantier de la Grand Place, ce sera effectivement un chantier qui prendra un certain temps, mais qui a été justement pensé en phase. Les grands principes qui ont sous-tendu l'organisation de ces phases de chantier, c'est de pouvoir maintenir et l'attractivité commerciale et l'accessibilité du centre. Et donc, à chaque phase de chantier a été organisée de telle sorte que les poches de stationnement à proximité soient accessibles, que soit toujours garantie la continuité des itinéraires piétons. Donc quand on a une zone qui est en chantier, eh bien on peut toujours la traverser à pied sur des itinéraires d'1,50 m à 2 m de large, praticables et confortables. Il y aura des passerelles. Donc par exemple, on sera en train de refaire le réseau d'un pétrant ou un raccordement d'égouttage devant un commerce. Eh bien, il y a une obligation de l'entreprise qui va travailler de mettre une passerelle pour garantir l'accessibilité. Ce qu'on a aussi réfléchi selon chaque phase de chantier, c'est d'organiser des zones de livraison. Parce que ce n'est pas tout que les commerces, ben, que les clients puissent y arriver. Il faut qu'on puisse apporter des marchandises. Voilà. Ben il faut qu'il y ait des marchandises dans les commerces. Ouais, donc c'est un vaste chantier. C'est un vaste chantier, effectivement. Et en parlant de vaste chantier, il y en a d'autres en 2017. Il y a des travaux qui vont se dérouler dans différentes rues, c'est ça ? Notamment la rue du Plavitou, ça me concerne un peu, voilà. La rue du Roi-Chevalier ou encore la rue Adhémar Van de Plage. Vous êtes effectivement bien renseigné. Donc la rue du Plavitou, tous les feux sont au vert, et donc a priori ce serait vers la fin mai, début juin. Que les interventions pourraient avoir lieu. Ben pourquoi ? Parce que clairement, on refait une réfection des revêtements, et donc il faut des températures qui soient supérieures à 10 à 12 degrés pendant la nuit pour que les asphalteuses puissent se mettre en route et puissent venir refaire les revêtements. Donc là, il y a aussi toute une organisation pour garantir aussi l'accessibilité des différentes entreprises qui sont sur la zone, mais aussi des habitations. Alors, vous en parliez, ben, on va aussi d'abord terminer et avancer sur les chantiers qui sont en cours. Donc là, on est occupé dans le quartier du Bois Fichaud. On a le chantier rue Henri de Bavet qui se poursuivra ensuite par la rue Achille de Bacquer. Et vous le disiez, ben, des nouveaux dossiers qui vont voir le jour. On a la rue Adhémar Van de Plage qui va commencer ici aussi courant 2017. On est en train de voir comment coordonner les interventions à la fois de l'école, de la CE et les interventions de réfection de la voirie. Et alors, pour la rue du Roi-Chevalier, là, on attend le dernier feu vert, c'est l'obtention du permis d'urbanisme. Et dès que celui-ci reviendra, on l'espère pour vers le début du mois de juillet, on pourra alors mettre en place le début du chantier. Merci, Nathalie. Je te laisse avec un grand sportif. Ah, d'accord. Mais je tenais à dire aussi à Nathalie que je trouvais qu'il y avait une chouette initiative menée par le service mobilité lors de la précédente rentrée scolaire. C'est-à-dire que chaque élève de maternelle et de primaire des écoles participantes se sont vus offrir un gilet fluorescent. Je voulais le souligner parce que c'est une chouette initiative. Voilà. Pardon, Nathalie. Alors, depuis sa nomination en tant que ville wallonne cyclable en 2011, la ville de Moucron dit avoir entrepris énormément d'aménagements et d'actions pour le confort et la sécurité des cyclistes. Je me tourne vers notre invité Ralph Spiegelaar. Excuse-moi pour la prononciation. Non, je pas de souci. Ralph, alors, bien le bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un cycliste averti. Quelle est la réalité du terrain? Quel est votre sentiment en tant que cycliste? J'ai la chance donc d'être cycliste depuis pas mal d'années et je me sens à vélo à l'aise, à Moucron, partout. Parce que je circule régulièrement, parce que à Moucron, depuis quelques années, ça bouge pas mal. Comme Nathalie l'a dit, il y a pas mal de choses qui sont faites pour la mobilité et en particulier pour les cyclistes. J'ai la chance d'avoir un travail où je peux enseigner aux élèves le savoir-faire sur la route à vélo. Et je pense que voilà, la mobilité cycliste, c'est bien parti à Moucron. Il y a encore des choses à faire, bien entendu, mais on y est bien. J'y suis bien, en tout cas. Oui, il y a des brevets en fait cyclistes qui sont remis chaque année. Vous avez déjà initié pas mal d'enfants à ce brevet. Le brevet cycliste existe à Moucron depuis bientôt 11 ans maintenant. Ce sont près de 5000 enfants qui ont eu une trentaine d'heures de formation et qui sont capables de se débrouiller, en tout cas sur un circuit connu, seul. Donc un beau projet qui continue, qui prend de l'ampleur même, et avec un réseau de bénévoles assez conséquent. J'en profite d'ailleurs, pendant que je suis en ligne, les bénévoles sont toujours les bienvenus, donc je peux donner mon adresse mail après. Si bien sûr, oui. Alors on parlait tout à l'heure dans le micro-trottoir des SUL, oui. S-U-L. Peut-on rappeler à nos auditeurs de quoi il s'agit exactement? Alors c'est un nom un peu bizarre. Moi, quand je parle aux enfants, sans SUL, c'est quoi? Ils me regardent avec des yeux écarquillés, ébahis, et je les comprends bien. Sens unique limité, bon, c'est quoi ce bazar? Finalement, je préfère expliquer, voilà, c'est un sens interdit qui est accessible aux cyclistes. Moi qui suis cycliste au quotidien, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Ça me permet d'arriver à mon travail, de ma maison jusqu'à mon travail, j'ai 2,5 km. Je fais ça à allure modérée et en 6-7 minutes, j'arrive à mon travail grâce au SUL, justement. Et est-ce qu'ils sont respectés par les automobilistes? Est-ce qu'ils sont assez attentifs, justement, à ces SUL? Je reste quelqu'un d'assez positif. De plus en plus, les SUL sont respectés. Maintenant, effectivement, moi, j'ai la chance d'enseigner auprès des plus jeunes. Il y a encore du boulot auprès des automobilistes. Les SUL sont de mieux en mieux compris, certes, mais voilà, effectivement, il y a encore un petit peu de travail, mais j'y crois très sincèrement. Donc Moucron, ville cyclable, oui, à fond. Ouais. Voilà. J'ai vu donc sur le site de la ville de Moucron qu'elle envisageait aussi l'aménagement, Nathalie, du parc des Pères Barnabites. Celui-ci permettra de proposer aux piétons et aux cyclistes un itinéraire alternatif entre la gare et la Grand Place. Vous pouvez peut-être développer. Oui, tout à fait. Donc c'était effectivement une fiche qui était déjà prévue dans le plan de mobilité en 2003. Donc c'est pas un projet tout récent, mais qui a nécessité plusieurs actions avant de pouvoir y arriver. Et donc là, on attend à nouveau le permis d'urbanisme pour pouvoir avancer sur cette réalisation. Mais l'idée, c'est de vraiment pouvoir aller de la gare le plus directement possible vers le centre-ville et d'avoir un itinéraire qui soit éclairé et sécurisé pour les piétons et les cyclistes. J'essaye un peu. Mais évidemment, il y a les routes, mais... La ville va changer de physionomie finalement dans les déplacements aussi. Ça va être une autre vue d'ensemble d'ici quelques années. La ville, oui, a déjà beaucoup changé. Ouais. Elle changera encore beaucoup. Mais ce qui est très étonnant en termes de mobilité, c'est que souvent, 6 mois après les changements, les gens se demandent mais comment c'était finalement avant. C'est ce qu'on s'est rendu compte ici aux abords de la place Charles de Gaulle, où ça a clairement changé avec notamment la réalisation du parking, les sens uniques qui ont été mis en place, donc sens unique limité en l'occurrence, puisque les cyclistes, eux, vont dans tous les sens. Et puis c'est vrai que c'est une histoire de reprendre les habitudes, et je pense que le gros effort qui est fait, c'est d'expliquer aux gens le projet, expliquer les objectifs, expliquer pourquoi on fait ça. Évidemment, il y a toujours la phase chantier qui est la phase un peu contraignante qui embêtera tout le temps tout le monde. Bah voilà, mais je veux dire que quand les gens comprennent les objectifs du projet, bah, tout passe beaucoup mieux. Je vais me permettre d'intervenir une petite seconde. Il y a un terme que j'aime beaucoup. Tu as utilisé le terme habitude. Et si bien quelque chose d'important, ce sont justement ces fameuses habitudes. J'ai l'occasion parfois de donner cours à des personnes un petit peu plus âgées. Et dernièrement, je leur ai dit, le plus grand danger, bien que c'est un terme que je n'aime pas utiliser, le mot danger, ce sont justement les habitudes. Imaginez quelqu'un qui passe depuis 10 ans au même endroit. Ça a toujours été un sens interdit. Il n'y a jamais personne qui est passé par là. Ah oui, ce sont les habitudes. Mais les habitudes, je pense sincèrement qu'il faut les changer pour un meilleur environnement, pour la santé, pour le vélo, pour plein de choses. Voilà. Alors, une question dans le public, peut-être, après ce volet mobilité. Il fait froid, hein, c'est pour ça, je crois. Alors, boire ou conduire, il faut choisir nos deux acolytes. Je pense que c'est fait pour. Acolytes, on choisit. Eh bien, allez, avant qu'ils ne prennent leurs jambes à leur cou, on les retrouve au coin du bar. Le vélo, c'est pour la ville. À la campagne, faut une bagnole. Voiture électrique. Eh, moi, je roule pas sous la pluie, hein. Ça sert à rien de s'emmerder pour les générations futures avec la mobilité, l'environnement ou autre chose. Pourquoi ? Mais on sait même pas si elles vont vivre. Bicycle, I want to ride my white. You say bar, I say bite, you say shark, I say him and Jaws was never my scene and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. On ne vous a pas tout dit. On ne vous a pas tout dit. Alors, dans la région d'Ath, Yann Ducaté a décidé de rassembler tous les producteurs maraîchers pour créer avec eux un circuit de distribution court, avec leurs produits locaux et de saison, de quoi permettre à tous les consommateurs de faire un premier pas vers l'autonomie alimentaire. Yann, vous travaillez... Bonsoir. Vous travaillez également donc, à l'Union des classes moyennes. Pour le volet environnement, vous êtes notre expert ce soir. Qu'avez-vous retenu de la soirée, Yann ? Alors, ce que j'ai retenu, tout d'abord, c'est que je voudrais planter le contexte. Hein. Donc, on parle beaucoup d'environnement aujourd'hui, mais pourquoi on parle d'environnement et pourquoi on parle de solutions pour l'environnement ? Ben, le contexte n'est pas très rose. Hein. Donc, on parle du réchauffement climatique. On parle même de... Si on atteint les plus 6 degrés d'ici à 2100, on a même un scénario d'extinction de l'humanité. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on parle un peu d'environnement aujourd'hui. On parle de surexploitation des ressources non renouvelables. Donc, on a déjà des risques de pénurie dans les entreprises. On parle également de pertes ahurissantes de la biodiversité. On parle également de la dépendance au pétrole, hallucinante également. Donc voilà, pourquoi on parle d'environnement aujourd'hui, pourquoi on parle de solutions ? Ben c'est pour éviter effectivement eh bien, la faillite de l'humanité quant à la préservation de notre planète. La planète existera encore, mais l'humanité peut-être pas. Donc voilà, ça c'était peut-être un élément de contexte. Et donc aujourd'hui on a parlé de déchets. Et donc ben, au niveau de la ville de Moucron, ben, effectivement on enregistre des bons résultats. C'est très bon, mais comme Christophe Deneuve disait, bien, c'est bien mais peut mieux faire. Et les résultats les plus difficiles à atteindre ben, sont les derniers finalement. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, il y a pas mal de citoyens qui râlent sur la taxe déchets, mais je retiendrai quand même, je paraphraserai un des citoyens qui a dit que ben, l'avenir du monde a un prix. J'ai trouvé ça assez, assez intéressant. On a pu voir ensuite bah, qu'il y avait pas mal d'initiatives locales, hein, ça fourmille, donc tant au niveau du citoyen, des associations, des professionnels également. Donc on a vu ce réseau des potagers urbains biologiques, ça fourmille un peu partout en Belgique, mais bon, Moucron est quand même à la pointe. On a vu la ressourcerie bah, qui a évolué bien en Wallonie-Picarde et donc qui est également bien appuyée à Moucron. Le secteur agricole avec la ferme de la Roussellerie donc de Francis Dumortier donc qui est bien établi depuis longtemps mais qui fidélise ses clients également. Le magasin court-circuit qui vient d'ouvrir et effectivement ça manquait à Moucron. Et donc ça c'est vraiment intéressant et je pointerai à chaque fois à travers toutes ces initiatives locales donc sans oublier le hall relais agricole. Eh bien on parle de respect de l'environnement, on parle de respect de la santé, on parle également de contact humain, de faire du lien, même de refaire du lien finalement. On parle de relocalisation de l'économie, qui en a bien besoin avec toutes les délocalisations pardon, qu'on a vécues, des nouvelles exigences des consommateurs, de la prévention des déchets. Donc voilà, tous ces paramètres qui sont souvent sacrifiés sur l'autel de la croissance et des multinationales. On peut souligner également le rôle moteur et relayeur même et l'impulsion donc des politiques. Et donc à Moucron, a priori, ça fonctionne relativement bien avec la cellule environnement. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui l'ont souligné aujourd'hui, donc c'est assez intéressant. Et puis bon, voilà, je continue, je poursuis. Ah oui, c'est voilà. On est subjugué. On a parlé d'énergie également, et donc la priorité, et là tout le monde le dit, c'est effectivement de moins consommer, donc c'est vraiment la prévention et l'utilisation rationnelle de l'énergie, et c'est également être moins dépendant des énergies fossiles. Donc on voit que tout évolue finalement depuis quelques années, et donc dans plein de domaines, tant au niveau économique qu'au niveau de l'énergie, donc on voit vraiment une décentralisation de la production d'électricité, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on était vraiment dans une centralisation à outrance, et donc le réseau a dû s'adapter, avec l'apparition notamment des compteurs intelligents. Il y a pas mal d'initiatives aussi de diagnostic énergie en entreprise, donc vraiment pour réduire les consommations énergétiques, pour utiliser les énergies renouvelables, et donc on voit les énormes efforts qui ont été réalisés depuis quelques années avec des appareils et des installations pardon, en entreprise, mais aussi bien chez les citoyens, beaucoup moins énergivores. Pardon. Et donc, c'est quand même un peu le foutoir en matière de prime énergie en Wallonie. Et donc ça, je tenais à le souligner parce que nous, on le voit tous les jours avec les entreprises au quotidien, malheureusement. Mais est-ce que c'est juste à propos des primes ? Je referme la parenthèse. Non, mais bon, il faut quand même inciter le citoyen, les entreprises ben, à revoir sa façon de consommer son énergie. Et donc, effectivement, des fois, il faut un petit coup de pouce. Et donc, on a eu des belles réalisations il y a quelques années. Et puis, on a l'impression qu'on a un peu coupé le robinet maintenant, ou en tout cas que c'est un peu plus le foutoir. Donc, le citoyen et aussi bien les entreprises ont du mal à s'y retrouver, malheureusement. Mais bon, ça va évoluer. On en est bien sûr. On a eu un changement de ministre à ce niveau-là. Et donc, on a fini avec la mobilité. Et donc, à nouveau, des bons points pour la ville de Moucron. C'est pas évident. C'est quand même une grande ville où il y a pas mal de voitures. Donc, on se rend compte encore que la dépendance à la voiture est très, très importante avec ces problèmes d'embouteillage, malheureusement. Mais on voit le développement petit à petit des modes plus doux, donc avec le covoiturage, le vélo, les transports en commun. Et donc à nouveau, on a le rôle régulateur extrêmement important des pouvoirs publics communaux avec ce plan communal de mobilité qui poursuit des objectifs donc, de multimodalité, de convivialité, de sécurité routière évidemment, et de réduction des nuisances, notamment au niveau du bruit, des embouteillages, et même d'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Et donc, on a parlé des grands travaux, effectivement, qui tiennent à cœur des citoyens en général, parce que ça touche vraiment à leur quotidien. Donc voilà, ça a été une façon de faire le point aujourd'hui. Et puis, ben, une bonne surprise pour moi, qui ne suis plus de Moucron désormais, mais qui suis originaire de Moucron, mais de voir que Moucron est une ville wallonne cyclable. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant, moi qui fais beaucoup de vélo aussi. Et donc voilà, ben, je crois que c'est comme dans tout, aussi bien pour la mobilité que pour ses habitudes de consommation, bien, il faut changer ses habitudes pour préserver notre terre-mère. Et donc voilà, toutes les initiatives qu'on avait aujourd'hui, toutes les belles paroles, aussi bien des associations que des privés et que du monde public, associatif, eh bien, vont dans ce sens, et bien heureusement. Mais que dire de plus, Eric ? Tout a été dit, là. Un bon résumé de presque magnifique. 2 heures d'émission. bravo, bravo. Synthétique, efficace, voilà. Voilà, on ne vous a pas tout dit, c'est terminé. Nous sommes bien conscients de ne pas avoir fait le tour complet de la question, mais nous espérons avoir suscité un débat ou au moins un petit peu de réflexion. Allez, on se retrouve le mois prochain, le mercredi 26 avril. Notez bien, toujours sur RQC 95 FM, toujours entre 20h30 et 22h30. Il y aura matière, puisque nous aborderons la gouvernance et la citoyenneté. Vaste sujet en perspective, Eric. Et on ne va pas leur refaire le coup une deuxième fois, quand même. On laisse le mot de la fin à nos deux idéalistes radicalement optimistes, Maud et Philibert. La planète, je ne vais pas la léguer à mes enfants. Ah bon ? Non, je vais la léguer à mon voisin, qui n'a pas de jardin. Merci à nos invités, au public dans la salle, à M. Ducaté qui nous a fait une belle synthèse, et à vous, chers auditeurs. Cette émission sera prochainement disponible sur le site du Centre culturel Moucronois et sur celui de RQC, ouais, c'est ça, dans 2 jours. Hein. Voilà. Alors, excellente soirée à tous, et prenez soin de notre planète. Respirez un bon coup, tiens. Gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtriser. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille, et tes petits-enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont pourquoi toi t'en as 2, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y'aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y'avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves, quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupables, à moitié défroqués, 100% misérables. Alors voilà petit l'histoire de l'être humain. C'est pas joli joli, et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou, qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire. Il tu respires.